Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi 23h si vous avez loupé le début. Cette semaine, des villes transformées par l'exil, mes voisins, les migrants. Une série de Raphaël Kraft, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a ces barques qui coulent avec leurs passagers dans la Méditerranée, ces familles sidérées qui dorment dans les rues parisiennes, ces jeunes gens qui se perdent dans la neige et la nuit en traversant les Alpes et ces bidonvilles éphémères sur la côte d'Opale. Et puis il y a l'envie de voir ce que ces itinéraires et ces installations provisoires changent dans nos vies et dans nos villes. Et cette curiosité d'explorer Palerme qui se pose en terre d'accueil. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui cherche à se loger, un avocat mobilisé, une bénévole de la santé, une chercheuse fière, un maire qui construit son discours sur l'hospitalité, des palermitains aux origines multiples, 700 migrants, le bon samaritain, un prêtre dans son église, un Nigérian qui veut sortir d'ici, Saint Benoît le mort et Sainte Rosalie, un premier ministre fasciste et un patron de bar qui ne se cache pas. Ensuite, le décor, le quartier de Ballaro, une rhétorique toxique, des mafias qui collaborent, du racisme quand même, des églises pleines, la Bible en étendard, un meeting politique, la providence, une main-d'œuvre pas chère, les discours et la réalité, des punaises de lit, la saleté, la violence, des fanfares, des politiques qui servent les passeurs, une manif, un bar de quartier, une situation qui se tend et un discours qui finit par porter. Aujourd'hui, troisième épisode, on a sorti les tambourins. Oui, le nom c'est Happy Davis et je viens du Cameroun. Je suis à Palerme fixe depuis 2015 et je travaille dans un centre d'accueil pour les immigrés comme responsable. Ces derniers temps, je retrouve un peu de difficulté à Palerme parce que déjà que j'ai laissé une maison pour essayer de chercher un autre, c'est vraiment très difficile et très amer parce que quand tu trouves une maison, déjà qu'en parlant sur internet, tu dis ben ouais, écoute, je suis intéressé à la maison, tout. On dit d'accord, tu peux venir regarder, mais sans dire si tu es africain ou pas. Mais dès que tu arrives, ils te voient que tu es africain, ils disent oh, mais nous sommes désolés, on ne peut pas te donner notre maison. On ne donne pas nos maisons aux Africains. Donc du coup, ça devient un peu dur. Disons à Palerme, c'est vrai, il y a ces racistes qui est en train de monter. Mais il y a de toute façon encore ce côté où il y en a beaucoup d'Italiens qui essaient de combattre ce côté racisme-là, pour que ça ne monte pas. Mais j'espère qu'ils vont réussir de toute façon à changer disons la mentalité des Siciliens. Palerme, une ville ouverte. Un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi avec Alessandro Puglia. Fulvio Vassallo, paléologo, avocat et représentant de l'association Diritti e Frontiere. Droits et frontières. Palermo è sempre stata una città di transito prevalentemente. Tutta la Sicilia è una regione di transito. Palermo ha toujours été une ville de passage. Toute la Sicile est une région de passage. Molto più basso. Nous avons un nombre de migrants inférieur par rapport à celui d'autres villes du centre ou du nord de l'Italie. Donc, de ce point de vue, la présence de migrants n'a jamais été une question de quantité. Puis nous avons eu une forte présence de migrants maghrébins, qui en Sicile sont très intégrés. Et puis il y a également beaucoup de Bengalais, des Tamils, qui sont sur notre territoire depuis plusieurs années et qui sont absolument intégrés. Au cours des trois dernières années, nous avons eu beaucoup d'arrivées au port. Mais parmi ces migrants, ce ne sont que très peu d'entre eux qui sont restés à Palerme, comme dans le cas de ceux venus de Libye. La plupart des personnes qui ont été sauvées dans la Méditerranée et qui sont arrivées au port de Palerme ont continué leur voyage vers le nord de l'Italie ou vers le nord de l'Europe. La seule composante stable dans la ville de Palerme, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, ce sont les mineurs non accompagnés. On peut les trouver dans les nombreux centres d'accueil qui sont à Palerme. La commune de Palerme a mis en place une politique très active, voire proactive, qui a permis également de simplifier le processus relatif au droit de garde des mineurs. Ceci n'est pas quelque chose de visible, mais a représenté un facteur positif considérable vis-à-vis de l'intégration de ces jeunes en ville. En effet, beaucoup d'entre eux sont restés à Palerme, même après leurs 18 ans. Par contre, du moment que la ville de Palerme se vide de plusieurs de ses citoyens palermitains, par exemple ma fille est à Malte et mon neveu en Allemagne, toutes les familles de Palerme voient leurs jeunes partir et cela est vrai aussi pour les jeunes migrants. D'un certain point de vue, au niveau des problèmes de cohabitation, nous pouvons dire qu'il n'y en a pas vraiment, car la plupart de la population de Palerme cohabite pacifiquement avec les migrants. Les phénomènes de ce que j'appelle abrutissement culturel sont encore superficiels et arrivent plutôt de l'extérieur. Des signaux qui viennent du gouvernement national et qui ne viennent pas du quotidien de Palerme. Un nouveau comportement hostile envers les migrants est en train de se développer chez les palermitains en raison de la rhétorique du gouvernement. Il n'y a pas de quartier à problème comme c'est le cas dans certains quartiers de Milan. Par contre, si vous allez voir à Ballaro, c'est un peu la même chose. Il y a une sorte de connivence entre la mafia locale et des mafias étrangères au sujet des migrants. On ne peut pas parler de conflit, au contraire. Et cela reste une raison d'inquiétude et peut-être même une raison pour dire que, dans la ville, tout va bien avec les migrations. Car ce tout va bien est le fruit de la médiation des organisations mafieuses qui maintiennent en quelque sorte les choses en ordre. Mais cet ordre est le produit d'un accord entre une structure mafieuse étrangère et une structure mafieuse italienne. Vous voulez dire, Fulvio Vassallo, qu'il y a une rencontre entre une mafia locale et notamment la mafia nigériane de traite sur la prostitution, traite des êtres humains, etc. Non lo dico io, lo dicono le indagini e le condanne del tribunale di Palermo, lo dicono i giudici e la polizia di Palermo. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes judiciaires, les condamnations du tribunal de Palerme, les juges et la police de la ville. Che questo contribuisca a modificare il modo di vedere dei palermitani e che in qualche modo. Le problème est comment éviter que tout cela contribue à changer la perception des palermitains vis-à-vis des migrants et empêcher que cette criminalité étrangère ne soit utilisée contre les migrants pour les stigmatiser tous en tant que criminels. C'est ça le vrai défi. Je suis Alessandra Schurba, je suis un membre de la clinique légale pour les droits humains de l'Université de Palerme. J'ai fait mon doctorat en droits humains ici et je travaille en tant que bénévole parce que la chose importante c'est que chacun de nous ici fait du bénévole. Je travaille avec un extraordinaire groupe d'avocats et d'autres chercheurs et d'étudiants pour offrir soutien juridique gratuit aux migrants et demandeurs d'asile, réfugiés, en réseau avec toutes les autres réalités du quartier Ballaro. Nous, on s'intéresse spécifiquement à la question de Palerme et on constate que Palerme en particulier et la Sicile en général est une zone de transit des migrants. Et on a vu un certain nombre de migrants qui revenaient du nord de l'Europe à cause de la procédure Dublin, qui revenaient du nord de l'Italie parce qu'ils ne trouvaient ni le travail ni les conditions d'accueil dignes. Les migrants reviennent à Palerme, je pense, je ne sais pas si on est d'accord, parce que c'est vrai, ils font les tentatives d'arriver au nord de l'Europe, ils ne peuvent pas. Alors, ils essaient de rester au nord de l'Italie, et il n'y a plus de travail, mais il y a aussi plus de racisme. Il y a beaucoup d'amis qui sont classifiés en tant que migrants, non ? Nous explique ce qu'à Palerme, c'est bien sûr un peu plus facile encore aujourd'hui trouver des espaces de socialité, des amis, quand même un place où il peut se sentir pas complètement étranger. On est en ville où un maire peut gagner les élections l'année dernière, c'était juin 2017, avec une campagne complètement basée sur l'accueil des migrants. Je me rappelle qu'on disait parfois, mais peut-être que tu es en train d'exagérer avec ça, on peut parler aussi d'autres choses, mais il avait raison, il a gagné. Alors sûrement la rhétorique... Avec 70% des voix. Oui, la rhétorique... Non, la rhétorique positive, non, de cette administration locale a des mérites relevants. Mais après, cette rhétorique, la substance de la rhétorique, c'est la société civile de Palerme, qui est composée par, je pense, toutes les personnes que vous êtes en train de rencontrer, seulement dans ces quadrates, non, dans ces petits territoires de Ballarò. Et vous trouvez la clinique légale, mais Porco Rosso, et Multivolti, et Santa Chiara, et il y a vraiment un réseau d'associations, des individus aussi. C'est une façon d'habiter dans ces quartiers, dans les territoires, un réseau, mais vraiment, c'est une idée de société, de condivision, de partage qu'on met en pratique tous les jours. C'est aussi très important que l'université, par exemple, a quand même donné cet espace. Et on est dans l'université, on est une association qui a une convention avec un département universitaire, que c'est le département des lois, et c'est déjà un acte politique très fort, dans le sens grec du terme, non ? D'agir le territoire, de pratiquer la citoyenneté et de la... l'élargir aussi. On a un conseil, une idée de citoyenneté qui n'est pas de tout lié au conseil des territoires, d'identité nationale, mais de ce qui vivent ensemble les territoires. Et on voudrait démontrer que ça, c'est possible en partant de Palerme. Francesca Martinez Talavia, chercheuse à l'EHESS et militante, et aussi palermitaine. Absolument. Palermitaine et orgueilleuse d'être palermitaine. Pour quelle raison ? Pour le sentiment d'humanité que nous avons et qui est absolument qui nous sauve en ce moment du facholéguisme impérant. Qu'est-ce que c'est le facholéguisme ? Le facholéguisme, c'est l'autorisation à venir contre les valeurs qui fondent la démocratie en Europe. Et les valeurs fondamentales de la solidarité, de la fraternité, qui ont constitué les bases de la constitution de notre Union. Et qui s'est imposée aujourd'hui avec la victoire aux dernières élections italiennes, du mouvement 5 étoiles et de la Lega ensemble, comme une étreinte mortelle portée contre les droits fondamentaux de... non pas seulement des Italiens, mais également de ceux qui, pour culture et par histoire, transitent chez nous et qui ont toujours constitué la richesse de notre culture et je dirais même de notre peuple, j'utiliserai ce mot. C'est un mot aujourd'hui difficile à prononcer, le mot « peuple », mais je pense qu'il y a un peuple du moment où il y a solidarité. Et nous, ici, je pense que nous savons ce que c'est qu'être un peuple. Pourquoi la Sicile et Palerme en particulier est-elle différente du reste de l'Italie ? Je sais que Leo Luca Orlando, invoque la sicilianité, invoque une Sicile un peu mythifiée, des Normands, des Espagnols, des Arabes, etc. Est-ce aussi parce que les Siciliens sont eux-mêmes des immigrés dans leur propre pays ? Ben justement. Justement, nous avons une double expérience de la subalternité, en fait. Nous sommes des subalternes au moins doublement, parce que nous le sommes par l'unité d'Italie, nous le sommes parce que nous sommes un peuple qui a une autonomie en tant que peuple, et pourtant nous avons toujours été colonisés, nous avons toujours vécu l'être subalterne, et du coup nous avons également vécu le fait d'émigration, de partir nous-mêmes à l'étranger, et donc nous sommes au moins doublement. Au sein même de votre pays. Exactement. Et également, nous sommes toujours partis à l'étranger. Nous vivons le racisme du point de vue du méridionalisme, de l'antiméridionalisme, et nous vivons le racisme parce que nous partons à l'étranger. Donc nous sommes des migrants comme les autres. Donc nous connaissons parfaitement ce que signifie être migrant. Mais nous connaissons également ce que signifie accueillir les migrants, parce que nous sommes aussi également un peuple d'accueil. Donc nous connaissons les deux positions. C'est comme si la liminarité de ce territoire de passage, la Sicile, devenait une liminarité dans notre conscience. Nous sommes conscients de la frontière comme le passage, mais comme un passage presque rituel. Il y a une espèce de sacralité, en effet, dans notre imaginaire du passage, de la limite, de la frontière. C'est quelque chose qui nous est aussi inculqué par une culture religieuse, en effet, non ? Véhiculée par les prêtres à l'église le dimanche. J'ai assisté tout récemment à une messe dans une église de la haute bourgeoisie palermitaine, et la messe à laquelle j'ai assisté m'a émue, parce que c'était de la véritable politique. Pour le prêtre, c'était vouloir rappeler à tout le monde le moment historique que nous vivons, et donc utiliser la Bible pour remettre sur pied un peu les valeurs contre la propagande salvinienne. L'unica legge è il Vangelo. La seule loi, c'est l'Évangile. Ama il prossimo tuo come te stesso. Aime ton prochain comme toi-même. Diceva quel tale a Gesù. Mais qui est ce prochain ? Demandez ce type qui s'appelle Jésus. Uno scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti. Une personne descendait depuis la ville de Jérusalem vers Jéricho, et il tomba sur des brigands qui le laissèrent pour presque mort. Poi passa un dottore della legge. Puis passa un docteur de la loi qui ne s'arrêta pas. Poi passa un sacerdote. Puis vint un prêtre qui lui aussi passa son chemin. Un samaritano nemico. Puis vint un samaritain. Nemico, un ennemi. Di razza non si abbassa, lo cura, lo fascia. Il s'est abaissé. Il a pris soin de lui. Sopra l'asino e se lo porta. Il lui a mis un bandage. Fino all'albergo. Il le mit sur son âne et l'emmena jusqu'à une auberge. Abbi cura di lui. Il lui paya une chambre et prit soin de lui en lui promettant qu'il reviendrait pour l'aider si besoin. Sono un sacerdote già da 33 anni. Sacerdote. Je suis un prêtre depuis 33 ans. Mio nome de la congrégation des Salésiens. Vitrano. Mon nom est Don Giuseppe Vitrano. Opero qui nella comunità con fratello Biagio dal 93. Je travaille ici au sein de la communauté Fratello Biagio depuis 1993. Dans la première période, les années 90, la majorité des migrants étaient d'origine polonaise et roumaine. Poi dal 2000, 2001, notato qui invece. Ensuite, à partir de l'an 2000, l'année 2001, nous avons constaté les premières arrivées de migrants d'origine africaine. Abbiamo visto proprio qui, abbiamo ospitato i primi 100 soudanesi. C'est ici que nous avons hébergé les 100 premiers soudanais. Ma la comunità può contenere questa che la communauté était déjà au complet avec cette première centaine de personnes. Fino a 100 persone. Già qui era piena. Quand ces premiers soudanais sont arrivés, on les a accueillis ici, dans cette pièce et dans le couloir parce qu'il n'y avait plus de place. Tutti qui. Corridoi perché non c'era spazio. Da lì abbiamo dovuto chiedere una. On a dû donc demander une autre structure d'accueil. C'est comme ça qu'est né le centre d'hébergement de la rue Colati, que vous allez peut-être visiter. Sempre in aumento, sempre in aumento. Oggi sono lì 700. Allora, man mano che arrivavano. Le nombre de réfugiés augmentait tout le temps, jusqu'à aujourd'hui où ils sont 700. Cosa sai fare? E da lì li impegnavamo in piccoli lavori per poter loro, soprattutto. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient d'Afrique, on leur demandait quel était leur métier, leur savoir-faire. Notre but était surtout de les conduire à manifester leurs compétences pour qu'ils puissent ensuite trouver un emploi plus stable sur le marché du travail au sein de la société. Falegname, chi faceva muratore, chi faceva elettricista, chi faceva indoratore. Il y avait des menuisiers, des maçons, des électriciens, des chauffeurs, des peintres en bâtiment, avec pour objectif de les aider à trouver un travail à l'extérieur de notre communauté. Le week-end dernier, Monsieur Salvini était en meeting à Pontida. C'est la fête annuelle du mouvement de la Ligue du Nord. Et après les déclarations de l'archevêque de Milan sur l'accueil des migrants, M. Salvini brandissait une Bible pour s'attirer les faveurs des chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma se si presentava con un immigrato in mano a posto della Bibbia, soprattutto di quelli che troviamo morti nel mare. Il aurait mieux fait de se présenter avec un migrant dans les bras et en particulier un de ceux morts en Méditerranée pour avoir un peu de crédibilité. La Bibbia che cosa sta? Il a voulu se présenter avec la Bible. Mais qu'est-ce que c'est la Bible? La parole di Dio che tu ce n'est pas qu'un livre. C'est la parole de Dieu que tu dois vivre. Se Salvini si presentava con un immigrato morto in mano. Si monsieur Salvini s'était présenté avec un émigré mort dans ses bras. Ha cercato di voler aiutare. Alors tout cela aurait eu un sens. Ha senso. È più di una Bibbia, quell'immigrato. La vie du migrant vaut plus qu'une Bible. Il libro pure io la posso tenere in mano, ma non per questo. La Bible, je peux moi aussi la tenir dans les mains. Pour ce faire, il me suffit d'être un bon orateur. Sono bravo a parlare, ma non a fare. Mais ça ne signifie pas que j'aide vraiment les migrants. Non serve. Dice San Giacomo. La fede senza comme le dit Saint Jacques, opere, la foi sans les œuvres est morte. Non serve. Che ti serve dire io ho fede? A che cosa? À quoi ça sert d'assurer qu'on a la foi? La fede senza la foi sans les actes est inutile. Viene davanti a te uno che muore di fame e gli dice poveraccio, poveraccio. Si quelqu'un est en train de mourir de faim et que l'on se limite à répéter le pauvre, mais qu'on ne fait rien. Tu? Non hai fede. Alors tu n'as pas la foi. Tu fingi. Tu fais semblant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font semblant. D'accord. Un des centres de la communauté Biagio Conte, en chantier permanent, de réhabilitation de bâtiments. Ici, c'est une ancienne caserne militaire. On a construit l'église en premier, apparemment. Et des bâtiments pour accueillir les migrants. Riccardo, devant un bâtiment qui est en train d'être réhabilité. On lit « Projet financé par la Providence, par tous les citadins de bonne volonté ». C'est quoi la Providence? C'est un peu flou quand même, Ricardo. C'est que ça signifie la mafia, la... La Providence, c'est quelque chose de très concret. C'est le Seigneur qui aide à travers toutes les personnes qui nous connaissent et qui veulent nous aider. Donc la Providence arrive. La Providence peut être par exemple représentée par tous les migrants qui sont accueillis ici et qui nous donnent un coup de main en tant que travailleurs. Ils deviennent Providence. Par exemple, celui qui sort de prison, un migrant, celui qui a des problèmes de toutes sortes. Par exemple, le musulman qui nous aide à construire l'hôtel, ou alors une personne que nous avons aidée et qui maintenant aide la mission, l'Africain qui vient, qui participe avec nous à la procession. Tout cela, c'est la Providence. Il y a aussi l'hôtel qui a été réalisé par des personnes handicapées. C'est un exemple de Providence. Cette église s'appelle la Maison des Peuples. Elle a été construite grâce à la Providence, ce qui veut dire que tous les frères de toutes les confessions, les musulmans et les autres, ont contribué à sa réalisation. Est-ce qu'on peut rencontrer des hôtes, des personnes qui vivent ici? Si, problème. Diciamo che loro sono. Possiamo provare, però dico già altre volte è successo. I'm also educated, you understand? Yeah. So there's no, we don't have work here now. Nous n'avons pas de travail. Alors c'est pour cette raison que j'ai quitté l'Afrique pour venir en Europe. Okay. Came to this Europe, you understand? To understand me, to know what I can. First of all, maybe can you introduce yourself? My name is Iwelome. Usenu. But you can also call me. Mon nom est Wilme Usenu. Mais vous pouvez aussi m'appeler Innocent. C'est mon nom. That's my name. Je viens du Nigeria. When did you leave Nigeria? I'm Edo State. Je viens de l'état d'Edo. Edo State. Yeah. A lot of people. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'état de Edo qui arrivent. Oui, parce que ce sont souvent nos proches, nos mères. Nos pères sont morts là-bas. Quand est-ce que vous avez quitté le Nigeria? When did you leave Nigeria? En 2014, en juillet 2014. Last ça fait 5 ans que je suis ici, enfin presque 5 ans. Like me now, I'm here 5 years. Let me say, most 5 years now, I don't have document. Est-ce que tu peux nous montrer où tu vis ici? Can you show us where you live here? Where I live. Où je vis? Let us go. Bien sûr, allons-y. Vous voyez comme ça sent mauvais? Partout ça sent mauvais. On ne peut pas dormir la nuit. Et puis il y a... Je ne sais pas comment on appelle ça. Regardez cet endroit dans quel état il se trouve. Quand vous dormez, ces bestioles vous dévorent. Des punaises. Oui, des punaises. Si j'enlève mon t-shirt, vous n'en croirez pas vos yeux. Toutes mes piqûres. Tout le monde a ça ici. Ça rend les gens fous. Vous n'y croyez pas. Vous comprenez? Heureusement, les gens sont sympas ici, mais il faut nous sauver, nous sortir d'ici, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'aide. We need rescue, please. Vous comprenez, ça n'est pas bien ici. Vous devez parler à ces gens. You understand that we need you people good instruction, please. Est-ce que tu peux me décrire, Usenor, la pièce là? Can you describe me this room? Oui, voici mon lit, c'est ça. Et ça, c'est ma Bible. Je suis chrétien. I'm a Christian. This is my Bible. Donc on est dans une très grande pièce au dernier étage d'un bâtiment en dur avec des matelas posés à même le sol, des conditions d'hygiène qui sont manifestement difficiles. Et plus d'une centaine de migrants sont logés ici. Regardez où je vis. Regardez les gens. C'est un vrai Capharnaüm. Comment on peut dormir ici? Vous sentez l'odeur? On peut attraper des maladies ici. C'est vraiment dégueulasse ici. Oui, bien sûr. And the reason why you people came here because I. Quando Davide era con la mano così, quindi la foto la vogliamo di nuovo. What is the motive? Io non so. Devi capire noi. Devi capire noi. Io non lo so cosa faccio io. Ma sicuramente non so cosa fate voi. Ecco, la prima cosa che lui ha detto, presentazione. Lui, presentazione, buongiorno, entrare, fratello Davide, capito? Giusto, lui è responsabile di tutta la struttura. Prima parla con lui, poi parliamo con lui. Ma, scusami, ma je comprends pas où est le problème. Usually. Généralement, nos frères migrants n'aiment pas que des étrangers viennent ici et qu'on les prenne en photo. Le type que vous venez d'interviewer est un des derniers arrivés. Et donc, il ne connaît pas les règles de notre communauté. Si je vous demande de ne pas prendre de photos, c'est qu'il y a une raison. Nous voulions juste le prendre lui en photo, pas les autres, et il acceptait de prendre en photo. Je crois que ce qui vous gêne, c'est qu'on voit la pièce. Ils acceptent beaucoup de choses que nous n'acceptons pas. Mais par exemple, ils n'acceptent personne d'autre que dans cette pièce. No, they give me people. Yes, but everywhere. Outside, here, wherever they want. Every day, for 1 year, we wait to you. For stay with us, for 1 year. Yeah. Every day. You stay here, no problem. For 1 year, but not for 1 hour, and you speak with one people. Piano, you speak, live here. Other journalists live here for 1 year, 2 years. Alors depuis mars 2018, le discours qui est répété à l'envi du matin jusqu'au soir à la télévision rend des choses qui n'étaient pas permises avant, beaucoup plus permissives, enfin, sur le racisme, les actes de violence, etc. Monsieur Salvini veut poursuivre Leo Luca Orlando en justice parce qu'il l'a traité de fasciste. On a vu des incidents violents vis-à-vis des migrants ces derniers mois. Vous, ici, vous vous sentez menacé, vous vous sentez intimidé? Non ne pensons pas que on est en danger ici. Alessandra Ciuro. Le mercredi d'après-midi, quand è ouvert, les migrants arrivent là. Mais bien sûr, on est très inquiète pour les personnes qu'on aide et avec qui on partage notre vie, parce que les agressions racistes ont beaucoup augmenté dans la dernière période, les dernières deux mois, c'est plus ou moins ça la période. Et aussi dans ces quartiers, que c'était un quartier vraiment de, comme je disais avant, de partage, de convivance, de solidarité. De solidarité, oui. Et aussi contre des migrants, des filles et des garçons très jeunes, ça arrive toujours, mais aussi il y a eu des agressions contre des hommes âgés du Bangladesh qui vendaient des trucs par la rue et contre les gens du Gambia qui simplement étaient dehors parce qu'ils sont jeunes et la soirée, ils font une promenade. Et alors, ce niveau d'agression, de violence, c'est augmenté, ça c'est sûr. Et on est ici au milieu de ça, on est très inquiète pour les gens qu'on aide. On ne voulait pas faire de la résistance, mais on est. Oui, parfois on a ce sentiment, bien sûr. Chaque jour arrive quelque chose de nouveau qui rend notre travail toujours plus difficile, mais on est là et on va résister. Oui, mais c'est pas français, c'est une improvisation. Non, c'est très bien. Vous parlez mieux le français que Leo Luca Orlando qu'on vient de voir. Mais ça, je l'imagine. Et vous ne l'avez pas entendu parler allemand. Mais ça, on va les couper. Non, notre mère est la meilleure du monde à parler toutes les langues. Mais... Et là, c'est la Vierge. Et voici Benoît Lemort, le second saint patron de la ville de Palerme. Il est fêté dans un des quartiers de Palerme, Santa Maria di Gesù. La première patronne est Sainte Rosalie, et le deuxième, c'est Benoît Lemort. Mort signifie le brun. Théoriquement, c'est lui qui aurait dû être le saint patron de Palerme, mais Sainte Rosalie, pour l'image qu'elle avait et pour ce qu'elle a fait, est devenue notre sainte patronne. Santa Maria di Gesù. Sempre alla fine di giugno. Santo patrono. Questo quartiere. Santa Rosalia abbiamo. Benoît Lemort, lui, est fêté dans un quartier particulier de Palerme, à Santa Maria di Gesù, à la fin du mois de juin. Dans tout Palerme, vous trouverez l'icône de Sainte Rosalie, car en effet, la fête de Sainte Rosalie, c'est la fête de Palerme. Mais Benoît Lemort a également sa fête. Viene pure festeggiato. Ah, ok. Però un quartiere di Palermo. Invece Santa Rosalia è tutta Palermo. Tutta fatta Palermo. Giorno 15 è festa Palermo. C'est comme à Catane, avec Sainte-Agathe, et à Naples, janvier de Bénévent. Et dans toutes les villes italiennes, il y a un saint patron. Et ça se fête. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Hier après-midi, il y avait des géants ici et je crois que vous étiez sur le balcon. They came from Mistretta. It's a little town not far from Palermo. Leo Luca Orlando. Because we are this year the talent capital. Ils venaient de Mistretta. C'est une petite ville pas loin de Palerme. Parce que cette année, nous avons été désignés capitale européenne de la culture. Et pour cela, on essaie aussi de célébrer nos traditions. Alors, nous avons invité des artistes du monde entier et de Sicile. C'est pour ça qu'on participe au début des festivités autour de la célébration de Sainte Rosalie. Oui, qui commence bientôt. Oui, il a commencé hier. Elle va être jusqu'à dimanche. Et en vous attendant, on a vu Benoît Lemort. La statue de Benoît Lemort dans l'entrée, là-bas. Et c'est un saint dont vous avez décidé de réhabiliter le culte en 1998. For which reason? Pour quelle raison? Je suis très fier d'être le maire de la ville de Palerme avec la protection de Sainte Rosalia. Nous allons célébrer les festins maintenant. Mais je suis aussi très fier de souvenirs que la ville de Palerme a établi d'avoir un patron qui s'appelle San Benedetto il Moro, qui était le fils d'un esclave vendu aux portes de Palerme. D'un esclave éthiopien. Voilà, un esclave éthiopien. Et nous croyons, je crois, que maintenant il est très important en ville comme Palerme d'être fier de considérer palermitain. Aussi les éthiopiennes. Vous avez été réélu en 2016 avec près de 70% des voix, alors que vous exprimiez plus que de l'empathie, puisque avec la charte de Palerme, vous voulez abolir le permis de séjour. On vous rencontre au mois de juillet 2018, quelques jours après que vous ayez déclaré publiquement que Monsieur Salvini était un fasciste. Dans le quartier de Ballaro, où nous étions, à 70 kilomètres d'ici, dans le port de Trapani, 66 migrants sont en train de débarquer et Salvini voudrait qu'ils soient arrêtés. Est-ce que vous vous sentez seul, justement, en Italie aujourd'hui? Je sais. J'étais aussi très seul. Le temps que j'étais contre la mafia. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas très seul contre la mafia. Non, mais je suis très seul contre le permis de séjour. Mm. Mais il viendra un jour que je ne serai pas plus très seul. Et il faut attendre, il faut penser qu'en ce moment, nous croyons que la position du ministre Salvini il est en position de populisme et de l'intolérance. Et les populistes, ils pensent que il faut utiliser toujours les slogans ou les tweets. Et ils sont populistes. Et Monsieur Salvini, il n'est pas encore fasciste. Il est un populiste de l'intolérance. Et est aussi un populiste de l'intolérance à Benito Mussolini. Et est aussi un populiste de l'intolérance Adolf Hitler. Après, Benito Mussolini est devenu un fasciste. Et après, Adolf Hitler est devenu un naziste. Maintenant, Salvini n'est pas encore fasciste. Un jour, le ministre Salvini va dire pas des migrants avec les bateaux Aquarius. Un autre jour, oui, les migrants avec un autre bateau. Ça signifie qu'il va déstabiliser la culture d'accueil. Et jour après jour, et après, il est possible qu'il vienne le fascisme. L'accueil demain, dans une Italie pré-fasciste, telle que vous la décrivez, comment ça va se passer? Et comment vous allez incarner la résistance, entre guillemets, autrement que par des mots? Parlons-nous de l'Europe. Je crois que la future de l'Europe s'appelle abolition du permis de séjour. Ça signifie que l'Europe, il faut accueillir tout le monde. Combien? Je sais que accueillir 1 million de personnes dans ma maison, il est un peu difficile. Accueillir 1 million de personnes dans la ville de Palerme, il est un peu difficile. Accueillir 1 million de personnes dans la Sicile, il est un peu difficile. Accueillir 1 million de personnes dans l'Europe, 25 États. 5, 28 États, 27 États, je ne sais pas combien il va en être après toutes les discussions d'aujourd'hui, mais 600 millions de personnes, ils sont tout petits pour accueillir 1 million de personnes, 2 millions de migrants, 3 millions de migrants, 4 millions de migrants, 5 millions de migrants, je ne crois pas. Je crois qu'il n'est pas comme ça, je crois que nous avons besoin d'envoyer un message, qui est un message de futur, parce qu'il n'y a pas futur avec les permis de séjour. Il n'est pas possible de penser que le futur est fait d'État avec les frontières. Si vous parlez avec un jeune fils de 20 ans de l'État, il ne comprend pas ce qu'est l'État. Parce que pour les jeunes fils, il existe seulement le monde et le village. Il faut penser qu'en ce moment, la législation européenne, la législation d'État européenne contre l'immigration, ils sont les amis des criminels. Parce que il faut penser que signifie le permis de séjour. Pendant le permis de séjour, je suis obligé de payer les criminels pour sortir de la Libye et pour venir dans l'Europe. Et pendant le permis de séjour, il faut travailler en noir. Et si je parle contre, et je dis, j'avais le droit de respect des droits de travailleurs, le criminel, il va appeler la police. La police, aujourd'hui, est au service du criminel. Et au service des personnes qui obligent les femmes d'être prostitute. Les criminels vont appeler la police et la femme elle est obligée de tourner dans sa maison et quelquefois à mourir. Et pour cette raison, je crois que nous avons à ce moment la législation européenne criminogène qui va produire criminalité. Je pense que ce soit un peu injuste de parler d'Orlando comme d'un professionnel Francesca Martinez Tagliavia de la migration. Je pense que les vrais professionnels des migrants sont ceux qui en ce moment sont en train de faire mourir les gens à la mer et de cristalliser une quantité énorme de discours sur les migrants, sur les migrations, pour distraire l'attention politique de l'opinion publique italienne, mais surtout globale, internationale, des vrais problèmes que nous traversons, c'est-à-dire de la crise économique, des politiques, des coupes budgétaires, des politiques austéritaires qui sont en marche en Europe depuis au moins 2009. Donc je pense que ce soit sur ces thèmes-là qu'il faut reconcentrer l'attention collective. Et pas justement, et ne pas alimenter les rhétoriques racistes ou antiracistes qui en ce moment sont en train de s'affronter, et justement sans un véritable but. Parce que est-ce qu'il y a une politique européenne sur les migrations? Est-ce qu'il y a une véritable politique? Ben non, il n'y a pas une politique européenne d'immigration en ce moment. Il y en a pas. Ben c'est justement ça le problème. Mais est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a une politique des droits des travailleurs? Est-ce qu'il y a? Non, il y en a pas non plus. Et donc je pense que ce soit très important de nous reconcentrer tous collectivement sur le terrain de l'économie politique. La questione dei migranti al centro del vertice di oggi a Palazzo Chigi con il nuovo caso che riguarda il rimorchiatore italiano Vos Thalassa. Sentiamo. Fa rotta verso nord, nave 18, verso le coste italiane, sul dove sbarcherà i migranti che porta con sé, però dal Viminale per ora non arriva alcuna indicazione. Stiamo ragionando sullo sbarco, si limita a dire il ministro Salvini, e la vicenda della nave della Guardia Costiera diventa l'ennesimo caso. Che bisogna fare capire che le persone private del loro futuro non perdono il loro futuro perché arrivano Fulvio Vassallo. Più o meno ce qu'il faut faire comprendre aux personnes qui sont privées de leur futur, c'est qu'elles ne le perdent pas à cause de l'arrivée des migrants, mais à cause d'une distribution du travail et une distribution de la richesse qui sont totalement injustes. Soit on lutte contre l'injustice sociale, soit on risque de créer une opposition entre les droits humains et les droits sociaux. Ce qui fait que nous qui défendons les droits humains, nous sommes perçus comme des privilégiés parce que nous n'avons pas de problème au niveau des droits sociaux. Ceux qui sont atteints dans leurs droits sociaux voient les migrants comme des adversaires, des ennemis. Au contraire, il faut être capable de faire de la politique, administrer une ville, effectuer des activités quotidiennes, même dans le cadre de la défense légale des catégories plus vulnérables, en imbriquant les droits humains et les droits sociaux. C'est un challenge relayé par le maire, qui s'investit pour promouvoir une image culturelle positive des migrants. Il est important de montrer aux palermitains, comme en dehors de la ville, que la présence des migrants est surtout une présence légale, qui travaille, qui envoie ses enfants à l'école et qui participe à la croissance commune. Il problema è anche che in questo momento manca in Italia una vera opposizione politica. Le problème, c'est qu'en ce moment, il manque en Italie une vraie opposition politique. Malheureusement, Salvini est en train d'instrumentaliser plusieurs points d'un plan d'action politique qui était déjà propre au gouvernement précédent. Quindi in realtà Salvini non è il coronamento, è la conseguenza di qualcosa di molto grave e negativo che è successo negli anni passati. En réalité, Salvini est le couronnement, la conséquence de quelque chose de très grave et négatif qui s'est passé au cours des dernières années. Disons que la capacité médiatique de Salvini est très forte, mais en ce moment, la totale absence d'une opposition politique nationale joue un rôle important. Il est important de continuer de parler des migrants, parce que les migrants sont des victimes, dont on doit respecter leurs droits humains et comprendre les violations qu'ils ont subies dans leur vie. Mais en même temps, on ne peut pas focaliser un discours politique sur ce seul thème. Il n'est pas seulement question de prendre un discours médiatique et chercher à le renverser avec des arguments rationnels, parce que ce message n'arrive pas aux gens, en Italie comme en France. Le Front National ou Salvini ont une forte capacité à impressionner l'opinion publique. Par contre, si on part des faits, on dit qu'il n'y a pas d'urgence migratoire, mais qu'il y a une capacité de gouverner un territoire, une ville, un pays entier, vers la paix et non pas en allant vers la guerre. Car ces mensonges sont en train de pousser les gens vers un climat de conflit, soit en direction des pays en dehors de l'Union européenne, soit en direction de l'ennemi interne. C'est une guerre contre ceux qui sont différents de par leur religion, ou une guerre contre une opinion politique différente, qui est la forme de conflit la plus dangereuse. L'idée qu'un homme fort soit capable à lui seul de résoudre tous les problèmes, même quand il raconte des mensonges évidents, c'est le bouillon de culture du fascisme. Nous l'avons déjà vécu en Italie au cours du siècle passé. Aujourd'hui, ce type de raisonnement fasciste peut faire un retour. Può tornare di delega. c'est un discours de délégation. Laisser faire un homme fort pour la résolution de problèmes sans prendre en compte le respect des règles de la démocratie. Ça, c'est très dangereux. Ici, c'est la cuisine. Là où on cuisine les ingrédients. Et là-bas aussi, c'est le bar, c'est la salle de... du restaurant. Dans le centre historique de Palerme, Moltivolti, restaurant, coworking, bar, où la cuisine est faite par des réfugiés devenus palermitains. Je m'appelle Claudio Arestivo. Je suis un des fondateurs de Moltivolti et j'ai 38 ans. Claudio Arestivo, qu'est-ce que c'est Moltivolti? Où ça se trouve? Dans quel quartier? Moltivolti is a social enterprise. Moltivolti est une entreprise sociale gérée par un groupe de 16 personnes originaires de 8 pays différents, et elle est située dans le quartier de Ballaro, qui est l'endroit le plus multiculturel de la ville et peut-être même de tout le sud de l'Italie. C'est un projet qui rassemble deux choses. L'une est un espace de coworking, où en ce moment il y a 12 ONG, des petites organisations impliquées dans les domaines des droits de l'homme et des questions liées à l'immigration. Et d'autre part, nous avons un restaurant et un bar qui est l'espace commercial du projet, avec cette idée selon laquelle chacune de ces parties sont liées, l'une soutenant l'autre. Et donc la partie génératrice de profit soutient celle qui ne fait pas de profit. Et l'activité qui ne fait pas de profit constitue l'âme et l'identité de notre projet. Je pense que ce qui s'est passé avec les dernières élections est vraiment incroyable et pose de vrais problèmes pour beaucoup de personnes qui habitent ce quartier. Je vois et je parle tous les jours avec des réfugiés ou des personnes qui travaillent ici. Ils me posent des questions comme « Faut-il que je fasse mes bagages parce que j'ai très peur ?» Et c'est vrai, les gens ont très peur, simplement par les mots qu'ils entendent à la télé. En venant ici, nous avons été les témoins d'un acte raciste. Est-ce que vous sentez que ça bascule ici, à Palerme aussi? Oui, je pense que quelque chose est en train de changer. Malheureusement, les actes de Salvini et de son gouvernement sont en train de changer les choses. Et depuis quelque temps, nous avons vu les actes racistes se multiplier. Même à Palerme, parce que les gens sont mécontents. Ils cherchent des coupables à leurs problèmes. Et Salvini et son gouvernement disent que ce problème, ce sont les migrants. Personnellement, je m'expose beaucoup dans des actes du quotidien, mais aussi dans les médias. Action, but also in mediatic action. I had like a sort of fight yesterday with my family because there was my photo. J'ai eu comme une sorte de dispute hier avec ma famille parce qu'il y avait ma photo publiée dans un article du quotidien La Repubblica. Et avec des amis, on me disait qu'à Palerme commençait à se faire sentir tout le mal qui se passe en ce moment en Italie. Et ma mère a eu très peur. Elle a dit non, ne fais pas ça. Nous avons toujours vécu et nous savons par le passé que Palerme a toujours été en première ligne. Et nous savons ce que ça signifie. Mais un jour, je crois qu'il faudra vraiment que je dise à mon fils ce que j'ai fait pour éviter ce qui se passe. Des petites choses, certes, mais je veux qu'il sache que j'ai essayé de faire quelque chose. Merci. C'était Palerme, une ville ouverte, avec les voix de Gilles Kneuzé, Olivier Martineau, Stéphane Bonnefoy et Rafik Zénine. Mixage Alain Joubert. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi avec Alessandro Puglia. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez devenir palermitain, bibliographie, lien, nous podcaster pour le chantier ou nous réécouter sur la place de l'Opéra, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et bien sûr, nous podcaster sur tout un tas d'autres plateformes. Demain, dernier épisode. Pour rejoindre Lampedusa, on embarque à Kerkena, où les pêcheurs sont devenus passeurs. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui a même une plage réservée aux docs audio. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création en Air et Une Histoire Particulière.